Ésaïe chapitre 18. Malheur au pays qui fait l'ombre avec des ailes, qui est au-delà des fleuves de Chu, qui envoie par mer des ambassadeurs, et dans des vaisseaux de joncs sur les eaux. Allez, messagers légers, vers la nation de grande attirail et brillante, vers le peuple terrible, depuis là où il est par-delà, nation allant à la file, et qui foule tout, dont les fleuves ravagent sa terre. Vous, tous les habitants du monde habitable, et vous qui demeurez dans le pays, sitôt que l'enseigne sera élevée sur les montagnes, regardez, et sitôt que le cor aura sonné, écoutez. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je me tiendrai tranquille, mais je regarderai sur mon domicile arrêté, et je lui serai comme une chaleur brillante de splendeur, et comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. Car avant la moisson, sitôt que le bouton sera venu en sa perfection, et que la fleur sera devenue un raisin se mûrissant, il coupera les rameaux avec des serpes, et il ôtera les sarments, les ayant retranchés. Ils seront tous ensemble abandonnés aux oiseaux de proie, qui demeurent dans les montagnes, et aux bêtes du pays, les oiseaux de proie seront sur eux tout le long de l'été, et toutes les bêtes du pays passeront leur hiver. En ce temps-là sera apporté à l'Éternel des armées un présent du peuple de longue attirail et brillant, de la part, dis-je, du peuple terrible, depuis là où il est par-delà, de la nation allant à la file, et qui foule tout, les fleuves de laquelle ont ravagé son pays, vers la demeure du nom de l'Éternel des armées, en la montagne de Sion.